laisse partir les profonds soupirs, laisse venir les rêves à s'ébahir. Accroche-toi à mon cou, ne lâche plus jamais, quand je suis contre toi, c'est l'été. Ne me lâche plus jamais, ne te cajolerai, te protégerai. Laisse vieillir mon bébé les souvenirs, laisse construire ton petit corps vers le ciel. Accroche-toi à mon cou, ne lâche plus jamais, quand je suis contre toi, c'est l'été. Ne me lâche plus jamais, je te cajolerai, te protégerai. Laisse courir vers moi tes sourires, et si super, nous les retrouvons ensemble. Accroche-toi à mon cou, ne me lâche plus jamais, quand je suis contre toi, c'est l'été. Ne me lâche plus jamais, je te cacherai, te protège.